à cette déesse adorée. Ses paupières se ferment, m'élipsent les pensées avant qu'ils ne comprennent. Le marchand de sable est passé.